Thank you. Thank you. pleine d'hémisphères. Moi la folie me guette, veut me tromper. Pas la jolie, non la vraie mec, c'est concret. Un jour mes démons viendront me tenter. Je le sais depuis que mon padre à l'HP est entré. Et je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. On peut tous finir l'âme dans les viscères ou partir à l'asile pour un problème d'hémisphère. Moi la folie me guette, vous me trompez. Pas la jolie, dans la vraie, mec, c'est concret. Un jour mes démons viendront tenter. Je ne sais de quoi mon padre à l'âge est entré. Je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. Pas grave, je t'ai mis obscur de la force. Que même pour mon père de sève et plein de hache, c'est faux, je vais me garder, il va garder les choses. m'apparaissent, mes rap tarés paraissent à ce qui paraît. Je suis fou, j'ai de la malice, mais pas de réalisme, m'en fous, je veux juste ma messe. Je rappe pour le long, je suis même pour Antipolis. Mais les CR sont si bons que les gens dépassent plus tôt que ça. Je rappe, je te sauve, mimis haut, dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. Glisse à toutes les demoiselles amatrices. Thank you. fume des bédos quasi tout le temps, sauf quand je vais en cours, non, juste après avec mes profs, même s'ils sont pas au courant. Puis me barre en courant, quand grillage il y a, tout comme mes potes, c'est marrant bouffant, quand grillage il y a. À tout sympa, mais je peux te faire saigner du nez si mon côté loup-garou vient pas me cacher quand je suis mal luné. Tout à coup, je sais pas, peut me prendre comme une envie de fumer. Le premier fou qui vient va tenter de voler mon calme. Je peux te faire saigner du nez, c'est mon côté loup-garou. Viens pas me faire chier quand je suis mal luné. Tout à coup, je sais pas, pour me prendre comme une envie de fumer. Le premier fou qui viendra tenter de voler mon calme. Je sais pas. Pourtant, je suis qu'un allumé. Un allumé de la paix. Je suis qu'un allumé. Un allumé de la paix. Un allumé qui pique le mic. Tous les jours, toi-même, tu sais. Je peux te faire saigner du nez, c'est mon côté loup-garou. Viens pas me faire chier quand je suis mal luné. Tout à coup, je sais pas, peut me prendre comme une envie de fumer. Le premier qui prévient à tenter de voler mon calme. Et bidi bidi bo, bidi bo, bidi bo. Ok, pressé sur la lune. Chante une bip, ok, ok. Faut peut-être me dire ton mic maintenant. Je l'ai, tu peux dire adieu au mic. C'est comme ton bido, tu me l'as donné. Tu peux faire dodo, donner c'est donner. Tu veux le reprendre, j'ai fait du judo. Chante mes cadeaux, j'ai jamais fait d'aïkido. Mais viens me le voler, non, je te ferai pas de cadeau. Thank you. des morceaux, des plans sages, l'image, un kiff. Plus fort que du liban, t'arrives. C'est nique dans tes oreilles, comment ça coule, les substantifs. Métaphore, ils embrassent, adjectifs. Vocabulaire de qualité, le canapé t'appelle. Tu commences déjà à partir, mais c'est trop tard. Si tu comptais pas rester dormir, et pour l'instant, c'est cool. Y'a de la foule pour ceux qui aiment, ça tourne. Et dans le poste, un peu de saoul. Les uns s'écroulent pendant que les autres bamboulent. Et l'alcool coule jusqu'à ce que les condés déboulent. Et dream, dream, non, mais ça n'arrivera pas. Toi-même, tu sais pourquoi. Tu l'as compris en voyant cette blonde. Tu es déjà dans l'autre monde. Sale temps, orage éclatant pour aujourd'hui, c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique, c'est tapant. Et pas tant, en partant, je te dis, j'ai pas le temps pour la monnaie. Donc j'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour déconner, je peux en trouver pour un bisou. Pas temps pour le trophée, puis j'ai pas les jambes de Zizou. Tu te prends pour un gros bonnet, moi j'ai pas le temps pour le filou. Puis j'ai pas le temps pour tes conneries là. T'as pondu un 16, mais moi je te nique, appelle-moi papy. Pardon pour un 16, pardon si j'insiste. Mon son est un zeste, si ton tabasque ou un zabi, ça pique, mais vas-y résiste.